ce serait un paradoxe quand vous me dites qu'il y a une réunion dans la province de Ngozi, dans la province de Bubanza, dans la province de Makamba, alors que quand je m'adresse au gouverneur, les demandant s'ils ont délivré, si le représentant de tel parti les a approchés pour qu'il fasse cette reconnaissance de l'existence de son parti dans sa province, et qu'il me dit que cet acte n'a pas encore eu lieu. C'est donc un paradoxe de dire qu'ils ont tenu une réunion dans une entité où il n'a pas de représentant, c'est interdit. Il faut d'abord qu'il respecte la loi, qu'il nomme les représentants dans les provinces et dans les communes où il veut travailler. Et ainsi, il aura facilité sa collaboration avec les administratifs. Des informations que nous recueillons indiquent que ces membres sont souvent arrêtés à 3, 2. Est-ce que la réunion de 2 ou 3 personnes est possible? Aussitôt qu'il y a plus d'une personne, la réunion est possible. Et c'est pour cela que nous demandons que toute réunion soit légiférée par la loi qui régit les partis politiques. Oui, certains disent qu'ils sont arrêtés en train de partager un verre. Est-ce qu'ils ne seraient pas arrêtés injustement? Et je me dis que l'arrêt de tel ou tel autre groupe de personnes suivent la loi. C'est pour cela que ceux qui sont arrêtés aussi, ils sont interrogés pour savoir justement le mobile de leur réunion. Alors, nous laissons cela à la discrétion des instances habilitées pour l'enquête. Jusque-là, on entend que Guassa n'a rien fait pour mettre en place les organes du parti jusqu'à la base. Et qu'est-ce que vous lui demandez? C'est de suivre la loi. Nous ne savons pas les provinces qu'il a choisies dans lesquelles il va travailler. Mais lui seul le sait qu'il suive la loi, régissant les partis politiques, parce que la loi est très claire à la matière. Tarsis Niyongawa, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Politique toujours avec l'ouverture solennelle ce lundi des travaux de la session parlementaire ordinaire d'avril 2019 à l'Assemblée nationale. 9 projets de loi sont sur la table de la Chambre basse du Parlement, dont le projet de loi portant révision du code électoral. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, regrette que le projet de loi des finances ne figure pas sur l'ordre du jour déjà transmis par le gouvernement. Les détails avec Moïse Misago. Lors des cérémonies de cette ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, a énuméré les projets de loi que l'Assemblée nationale compte analyser pour cette session d'avril. Parmi ces projets de loi figure celui portant révision du code électoral et le projet de loi organique portant mission du Conseil supérieur de la magistrature. Projet de loi portant révision du code électoral, ça c'est un projet de loi qui est très attendu. Le projet de loi organique portant mission, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Cependant, le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, déplore le manque du projet de loi des finances parmi ceux déjà déposés à l'Assemblée nationale. Étant donné que le projet de loi de finances ne figure pas sur l'ordre du jour transmis par le gouvernement, l'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à tout faire pour que ce projet de loi lui parvienne dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse disposer d'un temps suffisant pour son analyse et son adoption, car c'est cette loi qui permet au gouvernement de mener ses actions. Le président de l'Assemblée nationale demande à tout un chacun à apporter sa contribution pour que les élections de 2020 soient une réussite. Il appelle la population à la tolérance politique. Le député Pascal Nyabenda exhorte aussi les administratifs à redoubler de vigilance car il se manifeste à la veille des élections une fièvre électorale et des comportements marginaux de nature à perturber la paix et la sécurité. Moïse Misago, ouverture également de la session parlementaire ordinaire d'avril 2019, ce lundi par le président du Sénat, Agitega. Le budget national exercice de juillet 2019, juin 2020 sera voté. Les limites de la ville de Bujumbura seront déterminées et la loi électorale sera révisée, a souligné le président du Sénat, l'honorable Révérien Dikourio. Gérard Nibigira. Le président du Sénat, Révérien Dikourio, a fait savoir que dans cette session parlementaire ordinaire d'avril, cette institution va analyser et adopter la loi des finances pour l'exercice fiscal juillet 2019-juin 2020. Il a dit que le Sénat poursuivra la vérification de la mise en application des lois votées et de différentes recommandations émises par le Sénat. Le gouvernement sera appelé à transmettre le projet de loi relatif à la délimitation de la mairie de Bujumbura et ses communes frontalières, a-t-il ajouté. Il a aussi souligné que 11 projets de loi seront analysés et adoptés. Projet de loi portant l'agrémentation du médicament, de l'exercice de la pharmacie, de la profession d'opticien et de la tétrabipraticien. Projet de loi portant création, délimitation de la commune de Bouhaïra et des militations de la commune Mugui en province de Bitoke. Projet de loi portant adhésion à la République du Burundi à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Projet de loi portant disposition particulière au commerce du pétrole et des produits pétroliers au Burundi. Projet de loi portant révision du code électoral. Projet de loi organique portant mission, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de magistrature. Projet de loi organique portant mission, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur des partis. Il a en outre dit que la limitation des naissances sera enseignée à travers la population, de même que la lutte contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles. Depuis Gitega, Jérani Bigira pour la radio Isanganiro. Et dans la série de présentations des projets de société de différents partis politiques, le Parti pour la démocratie et la réconciliation Sangwe-PADR compte instaurer une éducation scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans. Le président de cette formation politique, Gaspard Nhiramewa, a déclaré aussi que son parti met en avant le développement du secteur agro-pastoral et souhaite mettre en place une loi sur l'héritage des filles. Suivez-le. Le parti Sangwe-PADR entend bâtir un état de droit démocratique, réconcilié, d'économie libérale, une nation paisible, digne et prospère, définitivement et véritablement réconciliée à un pays où il fait beau vivre. Dans le domaine politique, le parti Sangwe-PADR s'emploiera à rebâtir la conscience citoyenne et nationale d'appartenir à une même nation et à un même destin en mettant toujours la patrie au centre de son action. Le parti Sangwe-PADR mettra sur pied un programme d'éducation à la citoyenneté axée essentiellement sur la jeunesse. Le parti Sangwe-PADR pourvoira à l'indépendance de la magistrature. Dans le domaine économique, le parti Sangwe-PADR instaurera la tolérance zéro contre la corruption. Comment est-ce que vous lutterez contre cette corruption? C'est très facile. Il s'agira de mettre en place des lois qui combattent la corruption et surtout de les appliquer. Éviter que l'impunité soit la règle. Le parti Sangwe-PADR entend affecter au moins 60% du budget de l'État au secteur productif. Affecter 50% du secteur productif à l'agriculture et à l'élevage. Le parti Sangwe-PADR compte doter chaque province au moins d'un centre semencier et encourager les secteurs fruticoles et horticoles en exonérant les intrants et matériels agricoles. Le parti Sangwe-PADR investira dans les études et recherches pour maîtriser l'eau et les techniques d'irrigation. Le parti Sangwe-PADR fera cadastrer systématiquement toutes les propriétés foncières et rurales, de sorte que le citoyen ordinaire ait un bien à hypothéquer. Il multipliera les banques de microcrédits ruraux et allégera les modalités d'obtention des crédits en veillant à diminuer sensiblement les taux d'intérêt. Et dans le domaine social, le parti Sangwe-PADR s'est assigné le rôle de rendre l'enseignement public obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Il en fera une loi. Soutenir aussi l'enseignement supérieur public et privé. Le parti Sangwe-PADR compte revoir le régime de sécurité sociale et des pensions de manière que le travailleur et le fonctionnaire soient mieux protégés. Le parti Sangwe-PADR instituera une loi sur la succession de la fille et il luttera aussi contre le chômage qui est un fléau qui se remarque surtout chez les jeunes actuellement. La culture burundaise n'admet pas la succession chez les filles burundaises. Comment comptez-vous arriver à cette succession des filles? La culture, c'est vrai, depuis longtemps, a fait que la fille ne soit pas prise en compte dans la succession de son père. Le parti Sangwe-PADR est conscient qu'il y a cette barrière de coutume, mais il fera changer la loi de sorte que, au même titre que les garçons, les filles puissent hériter qu'une loi sur la succession de la fille ait lieu dans ce pays. Également dans ce journal, le ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre se réjouit de ses réalisations durant ce troisième trimestre 2018-2019. Néanmoins, le ministre Martin Ivyabandi déplore le décaissement tardif des fonds, ce qui a freiné certaines activités du dit ministère. Il l'a dit ce lundi lors d'une réunion d'évaluation interne de la mise en œuvre des plans d'action de ce ministère. Suivez-le au micro de Richard Niyonkuru. Les défis ne manquent pas. Les défis sont liés essentiellement des caissements tardifs des fonds et les directions générales, les autres services et les autres institutions n'ont pas pu réaliser à temps. Et les autres défis, ce sont des défis qui sont liés à la vulnérabilité des populations où apparemment on trouve que nous avons un nombre important de gens assistés alors que les moyens pour le faire ne sont pas à la hauteur. Un autre défi, c'est un défi essentiel qui est lié aux outils. Et quand, par exemple, on a soulevé le taux de réalisation au niveau de la Direction générale de réintégration, c'est lié essentiellement au manque de terrain. Le terrain qu'on avait identifié pour la réinstallation des personnes victimes des inondations dans la zone d'Ogatumba, et l'administration locale a jugé de les relocaliser dans une autre zone que celle prévue pour des raisons d'efficacité. Ça a retardé aussi les actions au niveau de ce département. Ce sont malheureusement des facteurs exogènes à notre ministère. Ce sont des défis, mais que nous comptons relever au niveau du quatrième trimestre. Nous pensons qu'à la fin de l'année budgétaire, on aura réalisé toutes les actions qui sont contenues dans le plan du gouvernement et ceux des plans internes au niveau du ministère. Le ministre Martin Nivyabandi. La police de Muyinga prévient la population contre le non-respect des couleurs nationales et annonce que désormais les contrevenants seront arrêtés pour cela. Le commissaire de police à Muyinga explique que c'est pour redresser ceux qui ignorent la valeur de la patrie et ne s'arrêtent point quand on hisse le drapeau national. Dieudonné Zeyman. En ville de Muyinga, le drapeau national est hissé du jour au jour aux établissements scolaires. Les enfants et éducateurs s'arrêtent pour saluer les couleurs nationales. Le reste sont des passants qui continuent le trajet comme si rien n'était. Manque d'esprit civique, d'après le commissaire de police à Muyinga, au P101, Jérôme Nibogora. Jadis, quand on arrivait là où on hisse le drapeau, on s'arrêtait. Aujourd'hui, les passants continuent, les voitures, motos démarrent. C'est un signe de non-respect du pays. Il en va de soi avec ceux qui détournent l'argent destiné aux élections. La police compte redresser ceux qui ignorent la valeur du pays en procédant à leur arrestation. D'après certains habitants de Muyinga, si parfois les gens oublient quoi faire avec le drapeau, c'est lié au fait que, aux différents services, tant publics que privés, la pratique de hisser quotidiennement le drapeau n'est plus de mise. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Retour en mairie de Bujumbura. Un bon nombre de gens qui viennent payer l'impôt foncier s'observent en mairie de Bujumbura après le délai limite de paiement intervenu à la fin de ce mois de mars. Et certains reconnaissent avoir mis du retard, mais d'autres accusent les services de la mairie d'être lents et réclament une réorganisation du service chargé du recouvrement de l'impôt foncier. Ornella Mucho. Arrivé au service du paiement des impôts fonciers, un bon nombre de contribuables est regroupé en deux parties. Certains complètent des fiches et d'autres réclament leur numéro de paiement. Certains contribuables qui n'ont pas payé à temps disent que c'est dû au manque de moyens. C'est grâce à Dieu que je suis ici, car j'ai été gravement malade pendant longtemps. Mais je vais payer l'impôt foncier comme la loi le prévoit. J'étais hospitalisée. Après moi, c'était le tour de mon enfant. Mais aujourd'hui, je me porte bien. J'ai eu un peu d'argent, c'est pourquoi vous me trouvez ici, mais je ne sais pas quelle somme je dois verser. Et une autre catégorie des contribuables font savoir que leurs dossiers ne sont pas encore prêts alors qu'ils se sont présentés à temps. Ces gens qui viennent déclarer leurs impôts disent que ça prend du temps pour qu'ils soient régularisés et demandent une bonne réorganisation des collectes d'impôts fonciers. Ornella Mucho et la mairie de Bujumbura déclarent qu'elle continue à accueillir ceux qui vont payer l'impôt foncier. Jean-Marie Muchomgiza dit toutefois que les retardataires seront sanctionnés conformément à la loi. Suivez Jean-Marie Muchomgiza. Je précise que c'est le chef du département informatique et statistique à la mairie de Bujumbura. Je dirais que l'état actuel de déclaration de l'impôt foncier est satisfaisant. Satisfaisant dans la mesure où on a déjà enregistré dans notre système informatique plus de 20 000 contribuables. Bon, la loi prévoit que les contribuables doivent déclarer les éléments permettant à l'imposition de leur parcelle avant le 31 mars. À partir du 31 mars, il est appliqué une pénalité de 10% pour retard de paiement. Et après le 30 avril, la pénalité est de 50% de l'impôt qui devait être payé. Pour les dossiers qui ont